Chapitre 11e, le souper. Il est nécessaire, pour bien comprendre les scènes qui vont suivre, de revenir sur nos pas et de rejoindre les deux fantastiques cavaliers qui avaient disparu si brusquement à l'entrée du canyon d'Oripas au moment où Pedro Diaz espérait les atteindre. Le plus jeune de ces cavaliers était une jolie femme dont la magnifique chevelure était retenue dans une résille de soie selon la mode espagnole. C'était Carmela. Don José l'avait bien reconnue, malgré la distance. Son compagnon de route, le lecteur a dû le deviner, n'était autre que le capitaine Maresco. Expliquons à présent comment ils avaient pu se rendre tout à coup invisibles et se soustraire à la poursuite enragée de Pedro Diaz. La base de la montagne rocheuse dans laquelle s'ouvre le canyon était, nous l'avons dit, boisée sur sa partie droite. On comprend dès lors que la créole, qui avait une parfaite connaissance des lieux, et put se dérober, ainsi que Maresco, sous le couvert épais des arbres. Toutefois, comme le galop de leurs chevaux sur le sol rocailleux aurait pu les trahir, Carmela avait dit à l'aventurier de s'arrêter et d'attendre que Pedro, qui accourait à toute bride, se fût engagé dans le canyon d'Oripas. Puis, lorsqu'elle se fut assurée qu'ils étaient à l'abri de toute atteinte, elle se remit en marche et suivit le sentier boisé qui, à peu de distance, communiquait à une fissure profonde de la montagne. Cette fissure, produite sans doute par une ancienne convulsion de la nature, était si étroite à son entrée qu'un homme pouvait à peine s'y introduire. Carmela sauta alors à bas de cheval. Le capitaine en fit autant. Puis ils attachèrent leur monture à un arbre et ils se glissèrent, comme deux couleuvres, dans la fissure qui, à quelques mètres, s'élargissait et montait par une pente douce jusqu'au sommet du rocher. Lorsqu'ils eurent atteint ce sommet couvert d'arbustes et qui avait la forme d'une vaste table ronde, Carmela jeta un regard rapide autour d'elle. « Personne, » fit-elle en frappant du pied avec colère, « le chef indien ne tiendra-t-il pas sa promesse ?»« Il a cependant été payé d'avance, » répondit Maresco. « Je lui ai envoyé de ta part les 60 revolvers et les caisses de cartouches. » D'ordinaire, les Peaux-Rouges sont fidèles à leurs engagements, reprit la créole après une réflexion. Peut-être sont-ils cachés sous ces arbustes, nous allons le savoir. » Après avoir proféré ces paroles, elle approcha ses mains contre ses lèvres et elle imita avec une rare perfection le hoululement de la chouette. Un hoululement semblable se fit entendre de l'autre côté du plateau. « Ils sont là !» dit Carmela avec joie. Elle attendit pendant quelques instants. Puis elle vit surgir de derrière un massif d'arbres, sans qu'aucun bruit ne révélait sa présence, la silhouette d'un guerrier Comanche. « C'est bien, chef, » lui dit-elle quand il se fut approché. « Vous vous êtes souvenu de la parole donnée ? Ceux qui doivent vous aider dans l'entreprise de cette nuit sont-ils avec vous ? Mes guerriers sont à leur poste, » répondit l'Indien, « mais il faut attendre pour agir que les visages pâles soient plongés dans le sommeil. » Il se dirigea alors vers l'extrémité du plateau et fit signe à Carmela de regarder. Elle se pencha et elle aperçut le campement au bas du rocher à pic. Le repas touchait à sa fin et les feux allumés éclairaient le visage des convives. La créole s'allongea comme une panthère sur le sol en s'appuyant avec ses mains pour mieux voir. Le capitaine Maresco, pendant ce temps, roula une cigarette et se mit philosophiquement à fumer. L'air était si pur, la sonorité du rocher noir si grande et le silence de la nuit si profond que malgré l'élévation de la montagne, les paroles prononcées en bas arrivait distincte jusqu'aux oreilles de la créole. Avant de nous séparer pour toujours peut-être, mon frère, disait en ce moment Don José au duc Jean, buvons à notre santé réciproque une dernière rasade, et comme preuve de notre vive affection, échangeons nos verres. De grand cœur, répondit Jean, en passant son verre à José, qui à son tour lui donna le sien. Puis il ajouta d'une voix attendrie, à ton bonheur, mon cher José. Au tien, mon cher Jean, reprit le bâtard. Carmela, qui ne perdait aucun détail de cette scène intime, avait vu, peu d'instants auparavant, José verser à la dérobée dans le verre qu'il venait de passer à son frère une pincée de la poudre blanche, et elle avait eu un tressaillement de joie lorsqu'ayant porté le verre à ses lèvres, Jean lui vidait sans défiance. José lui avait pâli pendant que son frère buvait. Le repas était fini, le moment des adieux était arrivé. Le bâtard tendit la main au jeune duc qui la pressa affectueusement dans la sienne, puis s'arrachant comme un regret à cette étreinte fraternelle, il s'élança sur son cheval, quitta le campement et disparut bientôt dans le canyon d'Oripas. « Chef, dit Carmela en se levant, il est temps d'envoyer un messager à l'homme qui vient de s'éloigner afin qu'on l'amène ici. » « Rien n'a été oublié, répondit l'Indien. Un de mes guerriers attend le visage pâle à la sortie du canyon. » Le jeune duc de Clodion, après le départ de José, s'était assis, profondément attristé, près de la place où il avait fait son repas d'adieu, et là, il se prit à rêver silencieusement. Pedro Diaz, de son côté, était également rêveur. Il semblait interroger le silence de la nuit. Le brave Texien, lorsqu'il était poursuivi par une idée fixe, avait l'habitude de se parler tout haut, et voici ce qu'il se disait en ce moment. « J'ai beau me raisonner, je ne suis pas rassuré. La disparition si étrange de ces deux cavaliers me trotte malgré moi par la tête. J'aurais dû fouiller le bois qui se trouve au bas de la montagne, de l'autre côté du canyon. » Ne pouvant vaincre son agitation, il prit sa couverture de voyage, dans laquelle il se drapa comme dans un manteau, et il se leva. « Où vas-tu donc, Pedro ? » lui demanda le jeune duc. « En ma qualité de chef de l'escorte, répondit le Texien, je dois veiller à la sécurité générale, et je vais faire une ronde autour de notre campement, afin de m'assurer qu'il n'y a rien de suspect. « Je parierai que tu songes toujours à ces deux êtres fantastiques qui t'ont brûlé la politesse, » répliqua le duc Jean. « Vous avez deviné, monseigneur. Tu es fou, mon cher Diaz. Tu ferais 100 fois mieux de t'étendre comme moi auprès du feu dans la couverture et de dormir jusqu'à demain matin. Moi, je tombe de sommeil et je ne tarderai pas à fermer les yeux. Je serai de retour dans quelques instants, monseigneur, et je vous tiendrai compagnie, » repartit Pedro en s'éloignant d'un pas rapide. Carmela, toujours à son poste d'observation, avait froncé les sourcils en entendant les paroles du Texien. « Cet homme-là, dit-elle, en le désignant chef indien, est capable de faire avorter mon projet. »« S'il devient trop gênant, » répondit le Port-Rouge en frappant sur son poignard, « il ne nous gênera pas longtemps. »« Eh bien, vous ferez, » répliqua Maresco en signe d'assentiment. Le Port-Rouge jeta un regard ironique sur le capitaine et lui tourna le dos sans daigner lui répondre. « Sont-ils mal élevés, ces sauvages ?» se dit à part lui l'aventurier tout en roulant une cigarette. Une demi-heure environ après les divers incidents que nous venons de raconter, un bruit de pas se fit entendre dans la direction de la fissure par laquelle la créole et le capitaine Maresco étaient montés. La créole tressaillit. « C'est le bâtard !» lui dit Maresco à voix basse en se mettant à l'écart. En effet, Don José, conduit par un guerrier Comanche, parut bientôt. Carmela lui tendit la main et lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. Une pâleur de mort s'étendait sur le visage du bâtard. « Ce que je viens de faire est épouvantable, » murmura-t-il, « et Dieu s'en souviendra. »« Cœur pusillanime, » répondit la créole, « sois donc à la hauteur de l'avenir qui t'attend. »« Je lis à venir, par ma foi, » grommela Maresco entre ses dents. S'il se doutait de ce que nous lui préparons, comme il s'en retournerait vite planter ses cannes à sucre à l'hacienda que lui a légué monsieur son père. « Maintenant que je t'ai obéi, » répliqua José après s'être assis, « dis-moi ce qui va se passer. Attends et tu verras. » Au bas de la montagne, le duc Jean et les hommes de son escorte dormaient profondément. La sentinelle, placée à une cinquantaine de pas du campement, le dos tourné à la montagne, les regards fixés sur la plaine, se promenait lentement de long en large. Pedro Diaz n'était pas rentré au camp. « Maudit Texien, » murmura Carmela, « son absence me fait peur. » « Que ma sœur se rassure, » dit le chef Comanche, « je me suis chargé de lui, et s'il voit quelque chose, il n'ira pas le raconter aux faces pâles. » Puis il ajouta d'un ton solennel, « Le moment d'agir est arrivé. »